Seigneur, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au jour de détresse? Le méchant poursuit le malheureux, ils sont pris dans leur propre ruse. Ils se glorifient de ses désirs, ils méprisent et outragent l'Éternel. Il dit dans son orgueil, Dieu n'intervient pas, il n'y a point de Dieu. Mais toi tu vois la peine et la souffrance, tu prends dans ta main la cause de l'orphelin, le malheureux s'abandonne à toi. Tu es le secours du faible. Brise le bras du méchant Seigneur, détruis sa puissance injuste. L'Éternel est roi toujours, les nations périssent de son pays. Tu as fermé le cœur des humbles, rends justice à l'opprimé.